lui, tu étais resté debout pour être sûr qu'il ne reviendrait pas. Presto, on le trucida. Mais il y en a sûrement des masses qui rêvent d'être à sa place. Une cuillère pour la patrie, une bouchée pour la famille, une mordée pour la cause et un petit rôle pour l'homme nouveau. Le général Somoza n'était pas une nana, jamais il n'hésita, mais mystique par milliers, il zigouilla. Aux États-Unis, il s'est réfugia. Le beau jour dans sa piscine, il explosa. Mais sûrement plus d'un rêve rare qui le marche dans cette.